Abi cet écrit pour la vie. Juste toi et moi, cet écrit. Juste toi et moi pour la vie. Cet écrit pour la vie. Dis-moi qu'aujourd'hui rien n'est fini. Qu'entre toi et moi rien n'est perdu. Je brûle encore. De pardonner, j'ai eu tant de mal à t'oublier. Cacher cet amour au plus profond de moi. Tu ne m'as pas laissé le choix, mais je pense encore à toi. Les tempêtes enragées, allez, viens qu'aller.